on parlait de Claire Chazal. Et il y a un certain Philippe Donte qui est vraiment intimement lié à Claire Chazal. Pourquoi ? Est-ce que sans lui, elle ne serait pas Claire Chazal ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a créé la musique de son journal ? Non. Est-ce qu'il est à Claire Chazal ce que Thelma était à Molière ? C'est non, merci. Bah, c'est-à-dire que Thelma, c'était le grand comédien de l'époque. Je crois que c'était pas Molière, c'était Thelma et Louise. Pas du tout, c'était Thelma vraie sur une pédale. Avec Mathieu Delormeau. Non, en plus, je me suis trompé parce que j'ai dit Molière, personne n'a relevé. C'est pas Molière. Ben non, c'est Thelma et Napoléon. Et Napoléon, voilà. Napoléon qui avait besoin de cours de maintien. Et c'est Thelma qui était le grand comédien de l'époque qui lui donnait ses cours de maintien. Excusez-moi, si on relevait toutes les conneries que vous dites, l'émission serait beaucoup plus longue. Géraldine. Est-ce qu'il lui a rééduqué sa langue parce qu'elle avait un cheveu sur la langue? Non. Non, non, mais il fait ce qu'il veut, peut-être, mais c'est pas lui en tout cas. Mais ça existe, hein, ce genre de métier, vous savez. Je sais, oui. Patrick. Il est encore vivant, le gars? Monsieur. Oui, il est encore vivant. Est-ce que c'est son maquilleur? Non. Est-ce qu'il fait le même métier que Claire Chazal? Non. Podologue? Oui, parce que Claire Chazal est podologue. Rien à voir avec la diction, Cyril? Pas du tout. Avec la vue? Pas du tout. Louis? Pas du tout. L'odorat? Pas du tout. Le physique? Louis un peu. Ah, c'est lui qui lui parle dans son oreillette? Non. Ah voilà. C'est lui qui a inventé l'oreillette. Non. Alors par rapport à sa voix, non, à ses intonations, elle avait peut-être un accent du sud très très fort. Non mais quand je vous dis Louis, c'est très lointain, mais c'est un petit peu, c'est un petit rapport avec Louis. Oui. D'accord. Voilà. Mais elle est liée aujourd'hui encore avec lui ou c'était du passé et... Ils seront liés à vie. C'est un musicien ? Oui. Ah bah il a pas inventé la musique ? De quoi ? Bah du générique de TF1 ? Non. Du journal ? Non. Il a fait quelque chose pour elle ? Oui. Pour pas vraiment pour elle. Pour son enfant, pour la communion, enfin, le baptême de son enfant. Non, c'est pour elle, mais bon, voilà, je pense qu'elle est... C'est pour l'émission reportage. Philippe Donte a écrit une chanson sur elle. Philippe Donte a écrit une chanson sur Claire Chazal. C'est un peu ça, mais quoi, il faut trouver. Pour son anniversaire. Il a écrit une symphonie en s'inspirant, sa muse, ça a été Claire Chazal. Non. La Chazalette. Non. Pour ses cinq... Mais Jean-Luc, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, on connaît pas forcément l'artiste, mais on connaît tout ce qu'il a fait. La musique de l'Eurovision? Non. Un hymne pour un événement particulier? Non, Philippe Donte. C'est lié à son activité sur TF1, Claire Chazal? Oui, oui. Donc il y a l'émission reportage aussi qu'elle présente. Non, il lui met une musique dans les oreilles avant chacune de ses interventions. Non. C'est lié au JT de 20h? Oui, c'est lié au JT de 20h. Philippe Donte. La musique de clôture du journal? Non, c'est pas cette musique-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, parce qu'il n'y a pas de pub entre... Il y a des petites... La musique de la météo. Non. Est-ce que tout le monde connaît cette musique, Cyril? Oui, oui, oui. La musique du loto? Non, pensez à Claire Chazal. Le week-end, la musique du week-end? Non. Du 13h? Non. Du week-end? Non, non, non, non, non. La musique de Bison Futé? Non. La musique de la pub Charal? Pas Charal, Chazal. Non. Philippe Donte a écrit quoi? C'est pas une publicité. Non, quel titre? Et on l'entend vraiment dans le journal de 20h? Non, on l'entend pas dans le journal de 20h, ah non. Ah, elle l'entend? Non, elle l'entend c'est pas. C'est son titre préféré? Non. On peut l'entendre chez vous, Cyril? On a pu le mettre, oui. Ah et oui. On l'entend dans d'autres émissions que celle de Loto? Non. Et donc c'est une musique festive, un peu genre bar mitzvah, tout ça? Bah, y a pas que les bar mitzvahs, hein. non. Musique de mariage? Oui, mariage également, voilà. La musique de téléfoot? Non. Automoto? Non. On l'entend sur l'antenne, cette musique? Non, on l'entend pas sur l'antenne. Dans ses oreilles, on l'entend dans ses oreilles, d'accord. Mais c'est sa musique préférée, Claire Chazal. Non, pas du tout, pas du tout. En plus, je pense qu'elle est pas fan de cette musique. Mais alors pour, oui. Mais Philippe Donte a écrit un titre en rapport avec Claire Chazal. Lequel? Et ça peut marcher, cette musique, dans un mariage? Ah, mais oui. Ça met une grosse ambiance. Ah oui. Mais il y a le nom de Claire Chazal dans la chanson? Oui. Ah, mais oui, c'est ça. Il est vraiment phénoménal. Bravo, Jean-Luc Lemoine. Il est vraiment phénoménal. C'est Philippe Donte qui a écrit le titre, il est vraiment phénoménal, c'est ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est encore pire que Kenji. Dans le journal de Claire Chazal, la la la la la la la la la. La, la, la, la, la. J'aime bien ça, moi. Je vais faire un AVC, moi. On était loin. Vous étiez loin. Heureusement que Jean-Luc Lemoine était là pour décanter un petit peu l'affaire. Alors, est-ce que vous savez qui est Philippe Donte? Bah non, du coup. Bah c'est le gars qui a composé la chanson de Claire Chazal. Bah on le connaît sous un autre nom. Oui. Alors, c'est qui Philippe Donte? Patrick Sébastien? Non. Michael Youn? Non. Pierre Perret? Non. Cartman? Non. Michel Sardou? C'est moins connu. Mais on le connaît quand même. Oui, on le connaît. C'est sûr que Jean-Luc le connaît. C'est pas la liste A, c'est la liste C. Faut avoir vraiment une grande culture pour le connaître. Il a sorti d'autres tubes? Oui. C'est un humoriste aussi? Non. Non. Non, non, non, non. Philippe Dont, c'est qui? Est-ce qu'il a d'autres chansons très connues comme oui, celle-là? Oui, il en a une encore plus connue Le que celle-là. Le Dormeur? Celle-ci. Non, plus c'est... connue que celle-là. Louis Bertignac? Non, non, non. Corbier? Ces soirées de disco, c'est Boris? C'est Boris. Bravo Jean-Luc Lemoine. Ah, là, on peut pas connaître. Hein. Ce soir, Boris, événement, c'est soir disco. C'est lui qui avait fait ça, soirée disco, ah, Boris. Oui. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout. Il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Là, heureusement qu'on avait Jean-Luc Lemoine, ah, oui. Sinon on ne s'en sortait pas. Personne ne connaît la grande musique. Voilà.